Yes, chandelou, yes, yes. Pour du bling bling, ouais. Tes combras clabrent une bande sur un gangbang de solo dans la ville. J'ai le coup de Kirikou, bouche qui rit jaune, yeah. Marre courir coup, j'ai les larmes de crocodile. Les minots font plus de mano à mano, clic de parano, mon fait garçon comme ton. Dans une tâche d'if ou stantage de ma plume, j'ai attrapé la mouche, mouche, j'ai la mort dans l'âme. Ouais. Y'a plus de Messi. Messi, sweet, sweet, sis, oui, miss, ou, oui. Mephisto, si, méfie-toi, fils, fils, ton levis tourne comme un vis, le tout. C'est zig, zig, ziggy, j'ai le fusil, ici j'en use, easy, toujours ceux qu'on accuse. Mes rêves ne décrivent que roro, alcool à gogo, plein de gogo, strippeuse dans mon alcool. J'ai longtemps vu le monde et ceux qui boivent, j'ai entendu le monstre et son débat. J'ai des yeux pour voir, mais aussi pour pleurer. J'ai longtemps vu le monde et ceux qui broient. J'ai entendu le monstre et son nom débat. Manifeste, manifeste. Enfant de Dieu et citoyen de la terre. Qu'on est accusé, coupable souvent refusé. Usé dans nos usines, nocif comme Musée. Ces mecs chelous, je dirais même relou. Me haïssent mais comme les feux me aiment que loup. Ils sont des millions, nous on est humiliants. Crions comme millions, synonyme de rébellion. On vit, on meurt, on rit et puis on pleure. La vie n'est pas une fleur, on t'a menti sur Cendrillon. Alléluia, dans mon pays tout y'a. Hélas face au rap, tout très peu on découille. Comment se développe, la haine et son enveloppe. Dans les blocs, face au Glock, mes frères débloquent. T'as une bite, t'as des potes, t'as des putes, t'as des pites, okay. Mais t'es bête si t'as pas de but. L'amour, ta mère, a un goût amer. Quand les gangsters d'en bas t'appellent frère. J'ai longtemps vu le monde et ceux qui boivent. J'ai entendu le monstre et son nom débat. J'ai des yeux pour voir, mais aussi pour pleurer. J'ai longtemps vu le monde et ceux qui boivent. J'ai entendu le monstre et son nom débat. Manifeste, manifeste. Enfant de Dieu et citoyen de la terre. Juste Penjabi, pour beaucoup Zarbi. Car pas d'entrée pardon avec les yeux rouges rubis. Tout sauf le Christ, c'est ce que beaucoup crient. Surpris par le crime, t'as vu, tout est fait supprimer. Les barbelés, derrière les barbares. Les barbus harcelés, par balles. De Mani, Lima, Karachi, Goma. Des manques dans l'estomac, des comas qui manient. Les grammes de cam, les kilos d'armes. Chacun sa croix, un trou plein la gamme. Parents asservis, vie sur le parvis. Le mal ravi, chez ta navi. Quoi ma conso, oh j'en mon matos. Ma voix, ma vibe, mes phrases, ma sac. Rêve de gris, réclame, brillant et billet. C'est ap, t'as vu mes babes, mes raps à mes rasés. J'ai longtemps vu le monde et ceux qui boivent. J'ai entendu le monstre et son nom débat. J'ai des yeux pour voir, mais aussi pour pleurer. J'ai longtemps vu le monde et ceux qui boivent. J'ai entendu le monstre et son nom débat. Manifeste, manifeste. Enfant de Dieu et citoyen de la terre. J'ai longtemps vu le monde et ceux qui boivent. J'ai entendu le